Exercice 3. Recherchez les raisons. Exemple. Pourquoi parle-t-on français ? La colonisation. À cause de la colonisation. À vous. Pourquoi laisses-tu tomber le projet ? Les conditions de travail. À cause des conditions de travail. Pourquoi vous ne venez pas au cinéma ? Les enfants. À cause des enfants. Pourquoi avez-vous déménagé ? Le bruit. À cause du bruit. Pourquoi la boutique a-t-elle fermé ? La concurrence. À cause de la concurrence.